Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, en visite officielle en Guinée équatoriale, s'est entretenu le 21 mai au palais présidentiel avec le président équato-guinéen Obiang Nguema Mubasogo. Il a remis respectueusement les salutations du maréchal Kim Jong-un au président équato-guinéen. En exprimant ses vifs remerciements, le président équato-guinéen a prié son hôte de transmettre à Kim Jong-un ses meilleurs vœux. Il a félicité chaleureusement son Excellence Monsieur le respecté dirigeant suprême Kim Jong-un pour son élection au poste de président du Parti du Travail de Corée lors de son 7e congrès. Il a fait remarquer que les leaders éternels du peuple coréen, son Excellence Monsieur le président Kim Il-sung et son Excellence Monsieur Kim Jong-il, ont accordé du soutien et des aides matérielles et spirituelles en faveur du développement et de la prospérité de Guinée équatoriale. Soulignant que le gouvernement de son pays a une position invariable d'élargir et de développer davantage les rapports d'amitié et de coopération entre les deux pays, il a affirmé de témoigner toujours du soutien et de la solidarité au peuple coréen en lutte pour accélérer l'édification d'une puissance socialiste. Les deux parties ont échangé les points de vue sur des questions d'intérêt commun, y compris sur la nécessité de développer encore plus les relations d'amitié et de coopération des deux pays.